High Level Studio. Yo, yo. Trexy. Pêche. Muffy. Ya. Ya, ya. Yo. Yo, veux jouer moi la bad man. Mais yo, c'est pussy. Ou pas qu'à voir yo, pas yo, lay ni souci, ou mad man. Ou pas pour boss man. Arrêtez, y'a fait la grime, mettez wa coche, man, la bad man. Mais yo c'est pussy. Ou pas qu'à voir yo, pas yo, lay ni souci, ou mad man. Ou pas pour boss man. Arrêtez, y'a fait la grime. Ou veut faire la grime pour femme. C'est bad man, ou veut somme. Belle log, s'arrêtez, mettez wa temps. Parce que ça c'est pour un temps. On joue ou qu'est financant, essayez barbie au sens. Ou déguisé ou contrans. La rica bawe kapran, ma famille a mon chance. Avant ou fin au champ, on balle en tête ou en jambe. Yo veux jouer moi la bad man. Mais yo c'est pussy. Ou pas qu'à voir yo pour yo lay ni souci ou mad man. Ou pas pour boss man. Arrêtez y'a fait la vie, mettez wa coche man à bad man. Mais yo c'est pussy. Ou pas qu'à voir yo pour yo lay ni souci ou mad man. Ou pas pour boss man. Arrêtez y'a fait la vie, mettez wa coche man. Mettez wa coche man. La riponge non c'est yon coche man. Pussy, ou pêche pense là. Ou pas bad man, nous c'est yon lot ça. Mettez wa coche man. La riponge non c'est yon coche man. Pussy, ou pêche pense là. Ou pas bad man, nous c'est yon lot ça. Angel Selma que yo c'est chata. Yo c'est ratatine, yo c'est rata. Cho baratin et cho blabla. Yo kaka tete ta yo le unitraka. Yo pognon pas grec, yo pas malade. Yo c'est laitue, yo c'est salade. Non yo pas vrai, yo pas soldat. Papa yo crédit, yo pas solvable. Yo veux jouer la bad man. Mais yo c'est pussy. Ou pas qu'à voir yo pour yo lay ni souci ou mad man. Ou pas pour boss man. Arrêtez y'a fait la vie, mettez wa coche man à bad man. Mais yo c'est pussy. Ou pas qu'à voir yo pour yo lay ni souci ou mad man. Ou pas pour boss man. Arrêtez y'a fait la vie, mettez wa coche man. Mettez wa gauche man. La riponge non c'est yon cauchemar. Pussy ou péché pense là. Ou pas bad man nous c'est yon lobe ça. Mettez wa gauche man. La riponge non c'est yon cauchemar. Pussy ou péché pense là. Ou pas bad man nous c'est yon lobe ça. Mais yo c'est pussy. Ou pas qu'à voir yo pour yo lay ni souci ou mad man. Ou pas pour boss man. Arrêtez y'a fait la vie, mettez wa gauche man à bad man. Mais yo c'est pussy. Ou pas qu'à voir yo pour yo lay ni souci ou mad man. Ou pas pour boss man. Arrêtez y'a fait la vie, mettez wa gauche man.